Coucou, coucou, coucou. Et bonjour à tous. Merci Pinoder, merci auditeurs, webinaires, du haut, du bas et du côté d'être avec nous sur ce nouveau rendez-vous de Cargo Cult. Aujourd'hui, et toujours, et bien sûr dans la thématique qu'on connaît bien maintenant, un album, une écoute, une longue explication. Probablement un des disques les plus singuliers qui soit rentré dans ces colonnes et peut-être même un des disques les plus singuliers qui y rentrera jamais. Absolument inclassable. Et le fait d'une artiste elle-même inclassable, finalement. Il s'agit de Miranda July. Oui, elle, Miranda July, la cinéaste. Cinéaste étoilé, hein, cinéaste qui à l'aube des années 2000 s'est révélé. Hein, fantastique, premier film, moi et tous les autres, qui a été récompensé à Cannes. Et puis aussi à Sundance. Et on est ici dans un cinéma indépendant, absolument jouissif, féministe, et bien sûr un tantinet iconoclaste, voire un gros tantinet. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Miranda July cache en fait une artiste totalement protéiforme, multimédia, au sens strict du terme, hein, c'est-à-dire qu'elle aura touché à tout. Et sa carrière musicale est celle qu'on connaît le moins. Mais au point que si vous allez aujourd'hui sur le site officiel de Miranda July, pas un mot, absolument pas un mot sur le disque qu'on va écouter aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est que ce disque ? Elle a fait deux albums, hein, d'ailleurs, finalement, Miranda July. Et celui qu'on va écouter, c'est le deuxième. The Binet Simon Test. Et on peut le prononcer à la française. Le test Simon Binet, c'est un QI, en fait. C'est un test d'intelligence, mais bien, bien antérieur au QI. Et obsolète, je pense, aujourd'hui. Parler d'intelligence avec Miranda July n'est pas un vain mot. Tout dans cet album, vous allez voir, transpire... La citation, la finesse, l'intelligence, la contradiction. C'est un disque, alors labellisé, parce qu'il faut bien labelliser parfois un disque, spoken word, hein, si vous le trouvez dans les bacs, en tout cas si vous le trouvez hashtagué quelque part en ligne. Le disque est maintenant sur Bandcamp. C'est un disque qui était absolument rare et pour le peu un truc d'initié dingue. Voilà, ça, on va mettre ça dans spoken word. Mais allez pas imaginer qu'on soit là dans une forme de stand-up, finalement. On est dans une figure beaucoup plus composée, complexe et j'oserais dire même maligne que ça. Alors allons-y et venons lentement un petit peu à ce qui va faire cette histoire. Surtout que ce qui est très important dans ce disque-là, c'est qu'il contient tout ce que va devenir Miranda July. En fait, il contient tout ce qu'elle est déjà, mais qu'elle n'aura pas exprimé encore au cinéma. Alors attendons. Quand je dis encore au cinéma, de fait, elle est déjà à l'œuvre d'un cinéma ultra underground, de petits clips comme ça, ultra féministes, très liés au mouvement Riot Girls, auquel elle participe finalement activement, mais plutôt en queue de peloton. Elle se fait remarquer sous quelques pseudonymes. Il y en a deux qui restent un petit peu, c'est Miss Moviola et Joanie Fojaki. Écrit 4, voilà, typo à la Prince un petit peu. Je recommande d'aller fouiller d'ailleurs dans une relique du New York Times, un article de 2017 qui parle un petit peu de cette période 1995-1998 de Miranda July. Et bien complet et documenté, cet article du New York Times n'évoque absolument pas ce qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est-à-dire l'album, spécialement même les deux albums, on va se concentrer sur un, de Miranda July. Miranda July, musicienne, on n'a pas le droit de le dire. Donc bien avant moi et tous les autres, moi, toi et tous les autres, c'est exactement le titre que portait Me on You and Everyone We Know, son fameux succès, premier succès de 2005, récompensé à Cannes, donc je le rappelle, viendra après The Future, c'est plus tard en 2011, et en fait, maintenant, il y a le nouveau film de Miranda July, qui est son troisième long métrage, donc en pleine actualité, il est en plateforme VOD depuis un mois maintenant, c'est K.G. Leonard. Alors voilà, back to the future et allons-y. Certes, Miranda July est cinéaste. Certes, Miranda July écrivain. Mais chanteuse. Performeuse, oui, mais chanteuse. On ne peut pas dire qu'elle chante. Mais elle campe une telle variété de personnages avec tellement de contrastes, de variétés, de timbres, que c'en est étourdissant. Et finalement, ce qu'on va entendre, c'est presque un film audio. Alors, j'aurais tort de mettre en avant cette espèce d'évident, le film sans image, etc. Enfin, on y était 100 fois. Non, pour le peu, là, on est dans quelque chose d'extrêmement écrit. On n'aurait pas peur d'utiliser le mot hors-spiel, d'ailleurs, à l'européenne. Hein, le hors-spiel qui définit finalement une création radiophonique et qui se traduit littéralement par un théâtre pour l'oreille. Bah oui, là, on y est en plein. Et c'est un vrai film pour l'oreille, avec sa dramaturgie. Et surtout avec ses acteurs, et surtout avec ses rôles. Comment on en arrive là ? Elle est... Et alors un petit coup d'œil biographique va nous faire du bien, parce qu'elle est complètement dans son époque, Miranda July, et en fait, elle est tellement à cheval entre deux époques que du coup, elle devient un lien fondamental entre les années 90 et les années 2000. Les années 90, pour Miranda July, c'est d'abord une jeunesse en Californie. Et puis elle va quitter en 1975 la Californie, Santa Cruz, pour aller toujours sur la même côte, la côte ouest, monter à Portland, donc dans l'Oregon. Et là, pas très loin de l'autre état voisin, Washington, où s'est déjà émancipée la scène grunge et la scène très importante Riot Girls, elle devient très aspirée par cette scène-là. Alors, petit focus un peu sur la scène Riot Girls. Faussement attribuée d'ailleurs à Seattle, et en fait, ce n'est pas le cas. C'est plutôt la scène de pas très loin de Seattle, c'est la ville universitaire de l'État de Washington, ville universitaire par excellence, qui s'appelle Olympia. Et même l'essentiel de la scène grunge passait par là. Mais Olympia, la scène Riot Girls, pure et dure, va s'émanciper pleinement. Pour rappel, deux groupes essentiels, le plus important, celui mené par une femme qui s'appelle Kathleen Hanna, toujours là, avec Bikini Kills. Bikini Kills, d'ailleurs, va muter après connaître plusieurs incarnations. Deuxième groupe intéressant de mentionner, Bratmobile. Ces disques sont d'ailleurs fédérés sur le même label, Kill Rock Stars. Et l'album de Miranda qu'on va écouter est signé sur Kill Rock Stars. C'est l'album qui s'est le moins vendu de toute la discographie de Kill Rock Star. Voilà, il détient ce privilège-là. Voilà. Miranda July est la copine de lycée. Alors, je reviens encore un peu en avant, parce que c'est intéressant, ça. J'oubliais, et je trouve que c'est intéressant à mentionner, la copine de lycée de Johanna Fatman. Elles sont copines au point où elles créent un magazine, un fanzine local, Archie Destroy, et là c'est avant les années Detroit Girls. Johanna Fatman va devenir importante puisqu'elle va prendre plein pied dans le mouvement Riot Girls, mais surtout elle va être dans cette génération qui va arriver après, au début des années 2000, et être un des piliers du combo lesbien Le Tigre. Et Le Tigre, c'est le groupe de Kathleen Hanna, je la rementionne, donc elle a eu deux incarnations, Bikini Kills et Le Tigre. Donc c'est un milieu à la fois soudé et extrêmement éclaté, parce que ces femmes-là vont être semées, si vous voulez, un petit peu partout. Voilà. Et comme Julie, Miranda July va abandonner ses études et préférer finalement se livrer à Portland et puis finalement par aspiration avec Olympia à toute une scène qui se développe là, elle y va à fond dans cette espèce de punk 2.0 ultra féministe, un petit peu comme ça qu'on peut finalement définir le mouvement Riot Girls. Au sein de Kill Rock Star, alors pour ne pas parler que des femmes et pour probablement mettre en avant l'importance du label, je pense que c'est le label qui va, dans sa première compile, mettre pour la première fois un titre de Nirvana. Voilà, et pareil pour les Melvins. Donc voilà, quand même, s'il y a une tête chercheuse un petit peu dans ces labels de la côte ouest, Kill Rock Star y est en plein. Label qui existe toujours, hein, d'ailleurs. voilà, un petit peu moins dans l'acuité hype en ce moment que ça a pu l'être en 1991. Je crois que le label doit commencer à exister en 1991. Et le premier 45 tours signé par le label est d'ailleurs un disque de Kathleen Hanna. Et attention, c'est un disque de Kathleen Hanna en format spoken word, en une espèce de stand-up, de brûlot féministe, complètement dans l'héritage de Lydia Lunch. Donc c'est intéressant de remettre le spoken word dans les préoccupations du label, quand bien même il est connu pour ses expressions queercore, hardcore, punk 2.0, féministe ou totalement masculin, hein, chez Nirvana évidemment ou chez les Melvins. Alors, dans tout ça, la Miranda, elle va embrasser le mouvement avec passion, mais disons-le, avec retard, c'est-à-dire que tout est déjà fait, finalement. Les Riot Girls, c'est l'explosion, c'est 92. Et certes, ça continue de marquer, mais en 98, au moment où sort le Bynum Simon Test qu'on va écouter aujourd'hui, on ne parle plus des Riot Girls. Elles ont déjà parlé d'elles-mêmes. Le mot est passé de mode, si j'ose dire. Quand bien même le propos des Riot Girls est loin d'être quelque chose strictement lié à la mode. Elles ont en général la voix haute pour quelque chose. Et ma foi, on passe de Riot Girls à Pussy Riot, mais il y a toujours de quoi élever la voix de ce côté-là, semble-t-il. Alors retour un petit peu à l'époque. Il est presque impossible de savoir pourquoi les deux albums de Miranda Jolla, pourquoi elle n'en fait pas la promotion, en fait. Pourquoi ces disques ne sont pas même mentionnés dans sa biographie. Ça reste incompréhensible. Et alors sur l'affiche Wikipédia, oui, il y est fait mention, mais alors sans que rien soit finalement développé. Donc c'est assez difficile de trouver des informations sur ce disque. Mais enfin, par recoupement, on y arrive un peu. Et puis comme ce disque, de toute façon, se tient en lui-même, parce qu'il est ce théâtre pour l'oreille, il est ce Hörspiel, il est cette véritable création radiophonique. La mise en scène radiophonique, dans ce qu'elle a d'élaboré, elle est assez proche d'une bonne mise en scène cinématographique. Ça paraît pas si évident, mais en fait, évidemment, ça l'est et s'obéit finalement parfois aux mêmes règles narratives. Avec forcément, dans la création radiophonique, cette notion de hors-champ, qui est peut-être encore plus belle que dans le cinéma. Et vous allez voir qu'elle elle en use avec une intelligence inouïe, Miranda Jolla, sur ce disque-là. Et on peut clairement dire que le travail qu'on va écouter va poser les bases de son cinéma à venir. Un énorme questionnement sur la notion de genre. Et puis des questions aussi sur du type pourquoi est-ce que la sincérité nous met mal à l'aise, comment vivre vraiment l'instant présent, qu'est-ce qu'une prise de parole, pourquoi une prise de parole. De fait, Miranda Jolla va finalement poser et quasiment inventer un existentialisme ultra camp, où vont se mêler Guimauve et Barbelé, finalement. C'est purement fun, mais attention, et super jouissif, mais c'est pas anodin du tout. Et c'est volontiers corrosif et acide. Riot Girls, évidemment. Alors, elle mêle tous les codes, hein, satiété, beaucoup de codes liés à la sexualité, code queer, tout comme code hétérosexuel. Miranda Jolla dit clairement dans ses interviews qu'elle est bisexuelle. Elle en fait volontiers une promotion, finalement, et sans pour autant poser sa bisexualité comme une forme d'étendard de la rébellion. Mais par contre, elle n'hésite pas à en faire le creuset d'un questionnement qui se perpétue encore aujourd'hui et jusqu'à sa toute récente filmographie. Alors allons-y en plein dans cette année 1998 qui finalement va concentrer toutes les actions iconoclastes, punk, camp, queer et hétéro, et politiques et féministes qu'elle aura finalement menées dans le giron Portland, Seattle et Olympia à partir de 1995. Vous allez entendre dans le Bynum Simon Test toute une galerie de personnages. Et tous sont interprétés par Miranda July elle-même. Le point d'orgue d'ailleurs viendra sur un des morceaux de la fin, l'avant-dernier, WSNO. Autrement dit, une radio. Toutes les radios américaines s'appellent W quelque chose. Donc WSNO, cette radio fictive, où Miranda July est à la fois réalisatrice, elle est à la fois actrice, et elle est à la fois auditeur de sa propre radio, prend une forme comme totalement dingue, digne des meilleurs stand-up, je le rappelle un petit peu, mais un stand-up choral, un stand-up polyphonique. Donc, il y a une mise en scène de soi qui est assez intéressante, vous allez le voir, mais ce travail sur les couptes, lui-même, que je trouve absolument remarquable. Mais vraiment. Donc, quand je parle de Hörspiel, qui est pour le peu un terme extrêmement académique, très européen, qui définissait les créations radiophoniques de type atelier de création radiophonique de France Culture, pour sa grande époque dans les années 70 et 80, parfois au-delà, peut paraître abscon et un peu trop académique pour parler de Miranda July. Mais finalement, c'est ça. Ça a mérité largement un prix Italia. Mais enfin, voilà. Mais tout ça ultra dopé au punk. Et un punk avec 3K. Et des Riot Girls, je le rappelle. Voilà. Miranda July n'est pas seule. Elle est dessus. Il y a une personne à la musique derrière et qui est quand même un homme clé du projet. C'est Donovan Skirvin. Donovan Skirvin. Cherchez pas, vous ne le connaissez pas. Je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas ce disque avant 2014 ou 2015. On est dans quelque chose là, on n'est pas dans le culte, on est dans le submarine souterrain du culte. Mais attention, c'est très bien qu'on parle du coup d'une femme d'exception et qu'on a remarqué dans un champ a priori différent de celui qu'on va entendre aujourd'hui. Mais Donovan Skirvin, ça va être une étoile filante qui va être aperçue uniquement aux côtés de Miranda July. Un jeune gars de 22 ans, donc il utilise la guitare, un drum kit, un sampler, un petit peu d'électronique. Et c'est quelqu'un qui va disparaître en 2003 à l'âge de 39 ans. Voilà. On n'a pas d'autres infos que ça. C'est typiquement un cas isolé, alors peut-être plus encore que Miranda July. Alors dès lors, il faut voir qu'à partir du moment où Miranda July va se faire connaître, ces deux disques vont connaître un culte souterrain d'initiés à qui mieux mieux. Moi, j'ai pu avoir connaissance de cet album et donc des autres projets sonores de Miranda July. Il n'y a que deux albums, en fait. 45 tours aussi, j'y viendrai peut-être en fin d'émission, d'ailleurs. J'ai pu avoir connaissance de ce projet seulement en 2015 et c'était par le biais d'une radio artiste et curatrice. Anna Friese. Anna Friese, elle est canadienne, mais elle enseigne l'art sonore et spécialement la création radiophonique à l'université de Santa Cruz, Californie. Et elle avait été invitée par le Musée d'art contemporain de Barcelone en 2015 à créer une playlist qu'elle avait elle-même créée en hommage à ce qu'elle appelle les petits personnages qui habitent la radio. C'était une thématique absolument parfaite pour Miranda July. Et dans sa playlist se côtoyaient du Burroughs, mais aussi Nina Hagen, les expériences radiophoniques de Mobile Radio, aka Sarah Washington et Knut Offerman. C'est des gens qu'on a assez entendus sur les ondes de Pinode. J'étais moi-même l'un de ces habitants dans la playlist. Et ma foi, j'étais très fier d'être entouré par plein de choses formidables. Mais surtout découvrir le travail strictement sonore de Miranda July. Alors depuis, écoutez, je reste émerveillé par ce disque que je suis ô combien content de vous proposer aujourd'hui. Je le répète, c'est un disque... C'est pas un disque comme les autres, quoi. Et plutôt que maintenant d'en reparler pendant des heures, je vous laisse un petit peu le découvrir. J'hésiterai pas à mettre en route et j'oserais même vous suggérer finalement, alors je suggère à demi-mot, mais d'aller chercher des paroles sur genius.com. Enfin, on trouve les paroles de l'album en entier sur le net. Et vous allez voir, ça parle énormément. Ça parle beaucoup et... c'est pas une mauvaise idée que de suivre le texte. Et en même temps, être trop collé au texte et le nez sur les mots qui défileraient à votre écran vous ferait probablement parasiter aussi l'essentiel sonore, l'essentiel de chant hors chant, tous ces contrepoints entre finalement une musique assez acérée, en tout cas par moments extrêmement stridente, très rock hein, évidemment, et puis de l'expérimentation à tout va, guidée par le verbe. Bonne écoute donc sur ce Bynum Sound Test, c'était Miranda July en 1998, une carrière cachée que j'ai tellement plaisir à vous révéler aujourd'hui. À tout à l'heure. Okay. I was one of five medical researchers working as a team. We were hired as a team. It was a two-day job. Is this the beginning? $2 million each. Well, she doesn't really sing anything until much later. To receive instructions. Yeah, I'll decide that for myself. To begin the experiment. Can I hear it from the beginning, please? To look in the microscope. From the to beginning? Did you hear the way she said that? Do you think she's lying? No, did you hear the way she said that? Oh, the, no, I don't think I caught that. Rewind, please. May 6th and 7th, listen how she says I was 23. I was 23. 23. I was the youngest of the five. You think she's lying? That's not the point. Of course she's lying. She's been lying from the beginning. Question is, why is she lying? Who does she think we are? I was a genius. I was a genius before the experiment. Now I'm just... Okay. I was one of five medical researchers working as a team. We were hired as a team. It was a two-day job. We were paid $2 million each to drive to the lab, to receive instructions, to look through the microscope, to look at the floor, to not look into the eyes of any of the other four medical researchers, to drive home at 5 o'clock without crashing on purpose, to not tell anyone, to not look in the mirror, to not write anything down, to not tape record, video, or otherwise document any information relating to the experiment. To sleep with a metal plate on our tongue. forgotten forever. Wake up, stretch, rub your eyes, pour orange juice and coffee. Read the paper, take a walk in the park, meet a fellow. Settle down, have children, live a clean life, live a long life. Never wonder me, sixth, never remember me, seventh, live a long life, live a clean life, die old, no trace, no memory, no mistake. Seems like they're fluctuating and I can't concentrate at all. Five, can you concentrate? All right then. Titrate silver nitrate. I'll prepare the benzidine test too. Can you distill 2 milligram sodiums? Oh my god. The light. What's happening with the... What's happening with the air? I can't breathe at all. Five, can you breathe? Is this part of the experiment? What are we involved in here? Oh my god, this is airborne. These are germs. This is airfare. This is warfare. Don't look into my eyes. Don't look into my eyes. We're finishing the experiment. Finish the experiment. Don't look in my eyes. Think of the money. $2 million. $2 million. 4 billion cells. 4 billion cells. This is airborne. This is warfare. Don't look at me. Finish the experiment. I'm driving home without crashing, without screaming, without telling anyone. I'm sleeping without the metal plate on my tongue. Hello, one. This is three. I still remember everything, which... Hello, two. This is three. We worked on the experiment together yesterday. Hello, four. This is three. Do you still remember? Because I still... Hello. This is three. Please don't hang up. Okay. I'll be the TV talk show host, and you can be the live viewing audience, and the special guest. No, okay, no. I'll be the special guest, and you and I'll be the TV talk show host, and you can. Okay, no, wait. Okay. I'll be the TV talk show host, and you, and I'll be the live viewing audience, and you, and I'll be the special guest, and you can be the home viewing audience, watching the show on TV at home. You're like the mom, okay? That's good, you get to be the mom. No, You have the good part because you're the real person. See, I'm just TV. You could turn me off and I'd be dead. Okay? All right. Watch me now. Our next guests all come from the same family and all have no sensation of physical pain. Ladies and gentlemen, the Beamish family. Lena, Patrick, and Martin Beamish. Okay, now let me see if I understand this. You kids were born with a congenital condition that prevents you from sensing pain the way a normal person would. Did I get that right? Okay. Now before you folks decide that these kids are lucky, I want you to take a look at their arms and legs. Can we get a close-up here on these bruises? What's this? Lena has a cut on her forehead. And what did you do there, Martin? Try and saw your legs off? Okay, kids, take a seat. Now I want to ask you, how do you know when you're hurt if you can't feel physical pain? Lena? I see the blood. Patrick? I see the blood. And Martin? I see the blood. And what does it feel like to bleed? I mean, it doesn't hurt, right? Lena? It feels wet. Patrick? It feels wet. And Martin? It feels wet. I'll bet it does. And do you think you do more daredevil stunts than you would if you could feel pain? Lena? Yes, I'm a real daredevil, sir. Patrick? Yes, I'm a real daredevil, sir. And Martin? Yes, I'm a real daredevil, sir. I'm sure you are. Okay, kids, now in all honesty, knowing you have this unfair advantage, have you ever placed a bet on a dangerous stunt just to make a buck? Lena? Yes, sir, I'm afraid I have. Patrick? Yes, sir, I'm afraid I have. And Martin? Yes, sir, I'm afraid I have. Well, I guess it wouldn't do any good to spank you, would it? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, now we've rigged a harmless little experiment to prove to some of our more skeptical audience members that you kids truly have no sensation of physical pain. Each of the children's chairs has been wired with an electroshock apparatus. The shock causes intense temporary pain. The kind of pain that would cause most of us to yell or scream out. Okay then, here we go! 2, 3, 4 is a great surprise to our viewing audience. I know I'm surprised. Are you surprised, Lena? Very surprised, sir. Patrick? Very surprised, sir. And Martin? I'm sorry, I didn't know how to tell you. Lena? We thought you were like us. Patrick? Yes, we thought you were like us. And Martin? I am. I'm a daredevil. Lena? But it's not the same. Patrick? No, it's not the same anymore. And Martin? But what's the difference if nobody knows? Lena? We're on TV. Everybody knows. Patrick? Yes, everybody knows. And Martin? But I can do the stunts. Lena? Martin, we're not three anymore. Patrick? Yes, it's no good if we're not three. And Martin? But I can burn without screaming. Lena? But if it hurts, there's no trick. Patrick? Yes, there's no trick if it hurts. And Martin? Well, it's a different sort of trick. Lena? It's a boring trick. Patrick? Yes, it's a boring trick. And Martin? It's a good trick. Lena? But Martin, there's no magic in two. Patrick? There's no magic. Agic, agic. There's no magic in two, only in three. Three. Three. Oh, Hello there, young Patrick. Are you feeling okay? Would you have a 9-volt battery, sir? Did you bring the charger? Patrick? No. I am sorry, Lena. And Martin? I forgot to recharge him, Lena. I just totally forgot. To recharge him? Well, I'll be. Folks, it looks like we've been taken for a ride. Kids, I think you owe our viewing audience an explanation. Lena? It wasn't all my fault. Martin built him. Patrick? I am Patrick. And Martin? I was just doing what Lena told me to. Lena? Well, it was no good with just me and Martin. There had to be three of us. Three of you, eh? Well, you'll have to count Patrick out because he's not a real boy. Lena? Yes, but nobody will remember. And Martin failed the test, so... Lena? Yes, but nobody will remember. So you're actually the only one who can't feel pain. Lena? Yes, but it's no good being just one. One of anything is a terrible thing to be, but two of the same thing is twins. So I said to my brother Martin, will you pretend to be like me? I'm gonna ask you, do you feel pain? And you say no. And I said, do you feel pain? And he said no. And then we were twins. And we practiced our daredevil stunts all day long. Like burning without screaming, and crossing without looking, and watching TV, and slamming the door in our hands again, again, again. But it was no good. There's no magic trick in two. A charm, and plus there's money in three. We are children. We need lots and lots of money for our little children's games. So Martin built Patrick. Patrick takes a 9-volt battery and he truly can't feel it. He isn't a faker like Martin. No offense, Martin. Martin built Patrick, and Patrick is just like me. We don't feel it. Lena? Yes, sir. Patrick? Yes, sir. And Martin? Sir. Lena? Sir. Patrick? Sir. And Lena? Lena? Lena? And Lena? Lena? Lena? And Lena? Down at the end of the hall. See, she's right down there. What's your name? My name's 42. Do you have a name? Is that a fun game, slapping the table? I come from very far away. Do you know where that is? I come from the basement. Do you know where Japan is? My name is 42. Can you say that? Oh, you must be mute. How cute. Well, that rhymes. Mute cute. Does that rhyme? You're beautiful. Has anyone ever told you that before? You're beautiful. Are you beautiful? Are you? No. No, I don't think you are. That's okay. It's easier that way. You look familiar, don't you? Yes, you do. You do look familiar. Is that a fun game, slapping the table? I have a fun game, too. It's called standing on the floor. Do you want to play? It's really fun down here. It's like being on the moon. Do you know where that is? That's right, Japan. I have some special lefty scissors for you. Do you know where they are? That's right, Japan. You're left-handed, aren't you? How cute. Oh, that rhymes. Left-handed cute. Does that rhyme? Does it? Does it? You look familiar. Drooling, how cute. Oh, that rhymes. Drool, motherfucking fool. Do you want to go home now? Do you know where that is? That's right, the moon. And do you know how we get there? 3, 2, 1. That's right, we walk. Can you walk forever? Can you say that word, forever? I can. Japan. Oh, that rhymes. I can Japan. Does that rhyme? Does it? Forever. Hey, forever. Hey, hey. No, talk to me. I want to hear you talk. Okay. Slap the table then. No, I really want you to. Slap the table. Slap it now. That is a very ugly face you're making. 42 can make an ugly face too. Here I go. Did I scare you? I'm just playing. You're fun. I would like to suck you into my bones. I'm just playing. You're fun and you're familiar. I know you from somewhere. Would you like to go home now? Climb in. Come on, all aboard. Get in. Oh, I see how it is. Well, then we'll just have to leave without you. We're leaving now. Bye. Too bad you couldn't come. Too bad who couldn't come? Who? I don't see anyone. I'm just playing. We wouldn't leave without you. So get in. Come on, get in. 42 is talking to you. Come on, get in. I love you, and this is WSNO Radio Snow, broadcasting from that cold, cold place in your heart, the coldness of your heart. And you've tuned in just in time for the Secret Believers Walkie Talkathon, that's right. You've been telling your secrets to WSNO for 23 years now. Cause you know that if Radio Snow doesn't believe you, nobody will. And if nobody believes you, well then, we fucking will. If you can't say it in English, then you're not lying. If you can't say it at all, then scream it. If you can't scream it, fake it. If you can't fake it, shake it. Shake it into your legs, break it out on the floor. Do we have a caller? You're alive, you're on the air. What's your name? This is Agent Tremble, Secret Agent, Double Agent Tremble, reporting to HQ, reporting to HQ, ping the HQ, in the HQ, Tremble. Whoa there, why don't you slow down, take a deep breath. And tell our listeners what your name is. Misty. And where are you calling from, Misty? Kelso, Washington. Okay, Misty, go. Go, go, go. Hi, this is Misty. Am I coming through okay? Can you hear? Okay. I really like your show. I listen to the Secret Believers Hour every week, and, well, I have a secret. Am I out of time? I can hang up and call back. Maybe I should hang up and call back. Okay. Me and my dad and my mom, this is back before my mom was dead. We were in this motel, and I was in the bathroom with my mom, and my dad was in the living room, in the bedroom, watching TV, and my mom was giving me a bath. This is back before, yeah, and there wasn't very much water in the bathtub on account of I was short, I was a baby, and my dad was watching TV, and there was this thing in the water, and it was kind of coming up and it'd touch against my leg, and then it'd move back, and then it'd come and kind of hit up on my leg again. And I'm not sure exactly what it was. I was a human girl. Misty, you're feeding back. You might want to take a step away from the radio. Take a step away. Oh, okay. That's it. Now take it apart. That's right. Take it apart. Because inside every radio, there's a little tiny motel. And a little tiny baby girl. And a little washcloth. Of course it was. If you say so, I believe you. But that's not all there is. Inside every radio, there's a little tiny planet Earth, and a little tiny rocket ship, and a little you, and a little me, and a little sign that says, keep it dirty, keep it dirty, baby, keep it dirty. Here we go. This is Agent Tremble, Secret Agent, Double Agent Tremble, reporting the HQ, reporting the HQ, The experiment was successful. I remember nothing, and I am so unpopular. Can I go again? I was thinking about that thing that I said before, and, I think I said the wrong secret. Truth is, it's cold where I am. Do you want to come over here? No, I don't think so. There's only one sound in my life, and it sounds like this. Do you like that sound? Is that a nice sound? No, I don't think so. So, I met this guy. His name is Russ. He is the athletic type. Is Russ listening tonight? No, I don't think so. Do you think I have a good body? In your opinion, is my body nice? No, I don't think so. Does Russ like my body? No. Is Russ even listening? No, not like I care. Do you want to meet my mom? She died in a house fire. Do you still want to meet her? No, I don't think so. This the only sound. It's the sound of my mom. She died in a house fire. I know it's tragic. Do I feel like talking about it? Do I even trust anybody out there? No, I don't think so. I am so unpopular, and I remember nothing but what's written on my hand. It says here, find your body double. Agent Tremble. Find your Agent body Agent Tremble, double. Do you believe in true love? True love never dies. True love never dies. Agent Tremble. True love never dies. What do you remember? Oh, I do recall me and my mother in the bathroom. Nothing! Father's in the other room, the bedroom, watching television. Nothing! And mother's giving me my little bath, and I'm very sure I'm a baby, and there's something in the water. I think it must be a hand. Agent Tremble, what do you remember? I remember nothing. And you will? Find my body double. And true love? Never dies, never dies, never dies. Thank you, Agent Tremble, one of our forgotten but never left behind. And you're listening to the Secret Believers Walkie Talkathon. What is the secret news from your secret life? You are secretly fat. Secretly famous. Secretly not horny at all. You are secretly not fat. Secretly not famous. Secretly horny all the time. You are our next caller. Hi, this is Misty again from Kelso. I know I'm calling kind of a lot. Would it be okay if I read a letter on the air? Is it a secret letter? Kind of it is. Yeah. Okay. Dear Russ, would you please touch me? If you would, touch me on the leg. That would be good. I'm sorry that you will have to drown to touch me, on account of the fact that I am a submarine, but I really want it bad. Love, Misty. P.S. Could you please show this letter to all your friends? Nothing embarrasses me on account of the fact that I am alive. P.P.S. Touch me. Pick it up casually. Put it in your left coat pocket. this pen contains 50 milligrams Cetic Neurosonia. Blink if you understand this. Cetic Neurosonia is a compound designed to neutralize sulfur. Okay. Okay, now I'm going to show you something, and I want you to look at it very carefully. Okay? Okay. Now shut your eyes. Shut your eyes. Okay. Now open them. What do you think of that? You think that's dirty? You ever looked at this magazine before? You know what magazine this is? What about this picture right here? You think that's dirty? Yes, no? No? You don't think that's dirty? Okay. All right, what about this window, one? Casually, you will see a black car parked behind a blue van. The black car is not a real car. It is a rubber decoy car. We repeat, the black car is not a real car. Blink if you understand this. The blue van contains a small helicopter. How does it look? Your age. Hey, look at me. Look over here. What are you looking out there for? There's nothing out there. Look right here. Look into my eyes. What do you see there? Huh? What do you see? I can't hear you. One more time, baby. A little bit louder. Yeah, love! And it's all for you. Don't you ever forget it. Are you crying? Touch the hair on the left side of your head casually. You will notice that the strands are made of fiber optic wire filaments. We repeat, your hair is not your real hair. Blink if you understand this. The fiber optic filaments are connected to a central receptor located under your scalp. We repeat, your brain is not your real brain. Blink if you understand this. The central receptor is a satellite. Oui. You and me are having a conversation here, so I would appreciate it if you would sit down. Thank you. Now, I know they tell you that you'll get over it, but I am telling you, you will never get over it, baby. That's the beauty of it. You have been shot in the heart. Yeah. And there will always be a bullet in there. That's how I know I can trust you. You must detonate the central receptor. Remove the pen from your left coat pocket casually. Remove the cap carefully. You will notice that the point of the pen is a hypodermic needle. To release the Cetic Neurosonia into the central receptor, you must penetrate the scalp. You will do this by scratching your head with the pen point casually, in an absent-minded fashion. Wherever you go, whatever you do, that bullet will be inside of you, and like maybe one day, you'll be far away from here, from me. You'll be like maybe on a yacht or something, you know, like those parties on yachts. Insert the hypodermic needle into your scalp casually, in an absent-minded fashion. Insert the hypodermic needle into your scalp. Blink if you understand this. There'll be music. Lots of people laughing, you'll be dancing, and you'll be beautiful. Of course you will. But suddenly, all of a sudden, I'm so sorry. But the music's too loud. Of course it is. And you don't feel like dancing anymore. Of course you don't. You have been shot in the heart. You don't feel like dancing. You've been shot in the heart. And there will always be a bullet in there. Voilà. Mot de fin pour Miranda July. Miranda July, aka Miss Moviola, aka Johnny for Jackie, on pourra mieux le prononcer comme ça. Fabuleux, n'est-ce pas ? Et difficile d'imaginer un disque plus singulier pour l'époque. C'est le disque qui n'a aucune audience. Mais vraiment, c'est même aujourd'hui. Et pourtant, il n'y a rien de difficile dans ce disque-là. Je ne pense pas qu'il soit difficile à faire passer, mais il y a une complexité, une espèce de fulgurance comme ça, complètement kaléidoscopique de personnages qui se culbutent, et le tout totalement mené par Miranda July. C'était assez fabuleux. Et en fait, ce qui va justifier que Miranda July soit signé, ils n'ont pas signé sur Kills Rockstar, parce que c'est un label en pointe hein, à ce moment-là, je le rappelle, hein, la scène d'Olympia, la scène de Portland et pas mal des gros morceaux de Seattle sont concentrés là. C'est finalement plutôt les premiers essais cinématographiques, donc de Miranda July déguisé sous le nom de Johnny for Jackie et de Miss Moviola qui vont finalement dire ok, vas-y, fais ton truc radio, quoi. Et que finalement le disque se vende ou ne vende pas, c'était pas très important à ce moment-là. À préciser que Miranda July, elle a aimé multiplier les pseudonymes. En fait, d'ailleurs, Miranda July elle-même est un pseudonyme. Elle est née Miranda Jennifer Gross Jessinger. Voilà, donc elle a un petit peu écourté le truc, elle a quand même gardé le Miranda. On trouve par ailleurs une trace discographique extrêmement intéressante aussi. J'ai du mal à choper celle-là, mais youpi, je suis content de l'avoir. Pour le peu, c'est le tout début de Miranda July en disque aussi, sous un pseudonyme absolument incroyable, sous un pseudonyme Margie Ruskie. Margie Ruskie stops time. Margie Ruskie arrête le temps. En fait, c'est un combo. Et pour le peu, là, c'est un vrai groupe de rock. Vrai, pas vrai, d'ailleurs. Et avec Miranda July, c'est les tout débuts d'un groupe qui va devenir important par la suite, c'est The Needs. Qui vont devenir un peu un porte-flambeau de la scène homocore, queercore, West Coast de ce moment-là. Tout à fait intéressant d'écouter ce 45 tours, dont je vous propose d'ailleurs les deux faces. Là, effectivement, on est clairement queercore, Riot Girls 2.0, et croyez-moi, ça fait du bien là aussi. I'm at my boyfriend's house. Where are you? I would call you throughout the night. right now? You need to think about this. It's really hard. Listen. Can I take your orders? Yeah. Miranda July avec les Needs en 96. Alors, ce qui est bien avec le sujet d'aujourd'hui, Miranda July, et spécialement The Binet Simon Test qu'on a écouté juste auparavant, c'est qu'en fait, on peut se consacrer à l'entièreté discographique de Miranda July en deux heures ou presque, parce que tout ça est extrêmement éphémère. 1996, strict début avec ce combo réuni quasiment par hasard, en tout cas pour la bonne cause des Hard Girls enfiévrés. Mais en fin de course, je le répète encore, c'est pour ça qu'il y avait finalement un créneau charnière qui était idéalement creusé par Miranda July et qui lui permet d'embrayer le pas avec sa vraie carrière de cinéaste, finalement. Dès 95, elle crée finalement une forme de distribution alternative de ce qu'elle fait, et déjà de ses films, mais c'est des petits clips. Et finalement, elle va appliquer les schémas de distribution et d'autonomie à plus grande échelle, après, pour devenir la reine auréolée qu'elle a été à Sundance, mais aussi au Festival de Cannes en 2005, hein, je le rappelle, pour son premier film. Donc voilà, audace et fun, avant-garde et féminisme, punk et humanisme, il manque rien quoi, il y a cette magie de pouvoir associer les contraires qui pouvaient venir finalement que d'un combo féminin comme celui-là. Même The Need qu'on entendait là donc avec Miranda July et qui va se développer après, hein, qui va devenir carrément là pour le peu l'étendard d'une scène homocore West Coast du moins identifié, de vous à moi va être moins intéressant. Parce que trop porteur du drapeau, quoi. Même si y a de quoi l'agiter et toujours le faire hurler, hein. Punk's not dead, on le sait bien. Donc, mais il y avait beaucoup plus de virulence et d'humour dans ce simple 45 tours qu'on entendait là. Donc, Margie Ruskie, Stop Times, c'était 96. Et c'était aussi le label, je le répète souvent, hein, Kill Rock Star, qui quand même a extrêmement marqué son temps et continue à le marquer. Hein. Bah, Kill Rockstar, d'ailleurs, vit beaucoup maintenant des reissues, justement, de ce qu'ils ont pu éditer ces années-là. En tête, évidemment, Bikini Kills ou encore Bratmobile, ces combos féminins dont je parlais en début d'émission. Quand bien même, on ne va pas faire la discographie complète de Miranda July, on va grignoter un petit bout des 20 minutes qui nous restent. Pour écouter un long extrait, la plus grande plage de son premier album. Premier album qui reprenait finalement, en tout cas qui initiait les mêmes principes que ce qu'on a entendu aujourd'hui avec l'intégrale du Binet Simon Test de 98, juste avant, donc là encore associé avec Donovan Skirvin. On va entendre là quelque chose qui produit un petit peu les mêmes effets et les mêmes éléments. Et pour le peu, d'ailleurs, avec un instrumentarium peut-être encore plus réduit. Hein. Il n'y a quasiment pas d'électronique ici et pas de sampler. Mais par contre, un drum kit comme ça, relativement minimaliste. Et puis de la guitare, qui était quand même l'instrument de guerre des Red Girls du moment. Ce à quoi les Red Girls avaient aussi afficher le stylo, la voix et la gueulante comme instrument de gueule et de guerre véritable. On va se quitter donc avec ça et je suis extrêmement heureux de vous faire découvrir cette face extrêmement cachée de Miranda July. Elle parle d'elle-même mais elle est relativement fabuleuse et je le répète encore, pourquoi elle reste relativement, enfin elle est plus que discrète quoi, puisque dans la biographie même de son auteur, ce passage n'est pas mentionné. Et ben voilà, on n'aura pas lié un petit peu à cette carence. Bonne écoute à la suite des programmes de Peanut, vous êtes chanceux d'ailleurs parce que vous allez avoir juste ensuite une forme d'écoute aléatoire des femmes créatives dans la musique expérimentale. Et ça, voilà, c'est quelque chose qu'on doit à la playlist aléatoire de Pat Hébert. Et c'est formidable parce que potentiellement, vous allez pouvoir entendre Miranda July et puis et Sœur Sourire se télescoper dans la même émission. Oui, Sœur Sourire. Enfin, peut-être. Allez, sourire à tous. À la semaine prochaine. Never seen you here before. That's because I'm new. My name's Penny. Penny, eh? Is that your real name, Penny? Yes? I'll bet it is. So, can you see me, Penny, or is this a one-way mirror? I can see you, sir. Good. That's the way I like it. You a Portland girl, Penny? No, I'm from California. Oh, Cali! I lived in Frisco for a while. San Fran. They call that the city that never sleeps. Oh. Did you want me to take off my shirt or anything, sir? Oh, no, you're just perfect like that, Penny. So what part of Cali did you live in? SoCal? Did you want to mail that first class? Oh, no, book rate. Really, it feels a little light to be books. Are you sure it isn't cloth or clothing? Oh, it is cloth. It's a cloth book. I make washable art books for children. Oh, you have a child. Well, then you know what I'm talking about. Do I have a child? Yes, her name is Penny. How old is she? She's 12. Oh, I thought you meant how many children do I have? Have 12 children. I adopted them all last year. It's part of a program for bookmakers like myself. So that would be book rate on that. How am I driving so far? I first started driving when I was 5 years old. And since I was just a little girl, I just drove short distances in a little car. It was a kiddie car. My mom would say to me, Penny, you need to stop driving and start playing. She wanted me to play with a ball or swing on a swing. We had a little swing hanging off of the big tree in the front yard. It was a kiddie swing. She would say, Penny, if you don't stop driving, you're gonna end up armless and legless. And then what will you do? And I would say, Mom, you should know I am alert. I am very, very careful. So what part of Cali did you say you were from? I'm from the Bay Area. Oh, really? Whereabouts? I'm from Berkeley. Did you want me to bend over or anything, sir? Oh, no, you're just perfect like that, princess. So what street did you say you lived on? I didn't. What street did you live on, sir? The thing about walking as compared to driving is that when you're walking, you really don't know what's going to happen to you. You could trip and fall, or get hit by a rock. Or like this one time, when I was walking to the store to get a soda, I saw this kid up ahead of me on a tricycle. And I didn't think anything. I just thought, kid on a trike. And then the kid turns around and it's, oh no. I knew I'd see this someday. Why today? I just wanted a soda. The kid has no face. He's faceless. It's just smooth and bald, like a blank space to fill in. Like learn to draw a face. I knew I'd see it someday. The kid with no face on a trike. But why today? I just wanted a soda. And somehow I can tell that he is laughing at me. Even with no mouth and no sound and no eyes, it is his chin. His chin is shaking in the rhythm of laughter. It is terrifying. But I know exactly what to do. If he is the kid with no face on a trike, then I know who I am. He is the kid with no face on a trike, I know who I am. If he is the kid with no face on a trike, then I must be the terrified person, and I know exactly what to do. I turned around and ran back down the block. I got in my car and started driving, and, well, as you can see, I never stopped. Here I am, driving along, lying my ass off. So what street did you live on? I lived on Blake Street. That's my street. I grew up on that street. How do you know about me? Oh, there, princess. I don't know anything about you. I just came in for a show. Well, did you live in a house or an apartment on Blake Street? Me? Why don't you bend over now, Penny? I'd like to see the rear view. Okay. Did you live in a house or an apartment? How am I driving so far? The thing about walking as compared to driving is that when you're walking, you really don't know what's going to happen to you. You could trip and fall, or you could get hit by a rock, or a car, or a person could hit you, could yell at your ass. But while I am driving, I always know that I'm going to die in a car crash. And that is so simple. It just makes me feel relaxed, like I can be myself. Me, I am going blind, but I am holding with drugs. You see me, I see fine. You see, I seem fine. You say, how is your medical condition? Did the doctors ever clear that up? I say, well, as clear, you're so forced, no. Well, as clear, you're so forced, no. I say, see for yourself, clear as a bell, but you should know I am going blind. I am alert, and I am withholding drugs. No, I am holding with drugs like dexamethasone, sulfacetamide, prednisolone, tobramycin, ciprofloxacin, erythromycin, triceratops, dexamethasone, and all the dinosaurs, Apollo 13, sulfacetamide, Sky and Telescope, Sasquatch in the Snow, NASA cover-up, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex, dexamethasone, Bell, as clear, yourself or see, ha, ha, how am I driving? Did you live in a house or an apartment on Blake Street? Wait, I lived in a house. Did you live in a house, Penny? I can't answer any more questions, sir. What color was the house? Yeah, the house was... What color was your house, Penny? No, I can't answer questions. Could you please go first? The house was... People ask me, they say, Penny, don't you think it's a little unhealthy driving all the time? I mean, you drive to everyone, even strangers. You could be driving to me right now and I wouldn't even know it. And I say, you are right. I'm gonna pull over right now and get out of the car and start walking. And I'm gonna walk and walk and walk and walk. The house was hollow and white, with a big tree in the front yard and a little swing hanging off the tree. That was a kiddie swing. Yeah, that was my swing. I lived in that house. If you're the man who lived in the blue and white house, then I must be. If you're the man who lived in the blue and white house, then I must be. Don't call me Penny. You know who I am. And you are way too close, sir. Could you please step away from the glass? And walk. And walk. And I'm gonna keep on walking until I find myself. Just kidding. But seriously, I've been driving for so long now that I am armless and legless. But you should know, I am alert, and I am very, very careful. Every second of every hour of every day of my life, and you can be too. Clowns never lie, and I don't either. Are you interested in a live fantasy show, sir? Why, yes, I am interested. I've never seen you here before. That's because I'm new. My name's Penny. Penny, eh? Is that your real name, Penny? Yeah. Well, I'll bet it is. So can you see me, Penny, or is this a one-way mirror? I can see you, sir. Good. That's the way I like it. You a Portland girl, Penny? Yes, I am. Born and raised. Is it a burning sensation or an itching sensation? Burning. A shooting pain or a dull pain? Shooting. Shooting gun or shooting star? Star. Movie star or rock star? Movie. Movie about a woman or about a tornado? Woman. Starring Glenn Close or starring Uma Thurman? Uma. Uma falls in love or Uma falls ill? Ill. The audience can tell that Uma is ill because her hands shake or her eyes are red. Red eyes. Uma feels a burning sensation or an itching sensation? Burning. A shooting pain or a dull pain? Shooting. Shooting gun or shooting star? Star. Movie star or rock star? Movie. Movie. I'm so glad it's a movie. Tout est dit dans cette dernière phrase de Miranda July, n'est-ce pas? Movie star or rock star? Movie, movie, movie. Et bien sûr, c'est évidemment le cinéma qui va consacrer Miranda July. Voilà, j'avais quelques secondes, j'ai pu rebondir dessus et faire rappeler à quel point je suis content d'avoir partagé ce plus que coup de cœur, cette espèce de grand cri d'amour pour Miranda July. Cinéaste, ok, mais radio artiste et musicienne, voilà. Quelques notes avant d'autres notes. Receive me. Receive me. Hotel voulez-vous? You are? Halsey Duster. Time is? New Year's Eve. Hotel voulez-vous? I'm on the lawn behind the meeting. My mother, Lenora. Checking. Thank you. Checking. Really, thanks for this. You are? Halsey Duster. You will? Go back. You will? Go back. You will. Go back. Nighttime. Time travel. Nightlife. Life on high. Humans can do. What can humans do? Not this. Not humanly possible. But possible. Life on high. Nightlife. Time travel. Nighttime. It's possible. Night sky. Music starts. Arm awakens. Arm possession. Night by arm. Seeing at night. By the night of the arm. By the light of the sky. It's possible. It's possible. It's possible. You will. Go back.